Elle va, elle vient, elle passe souvent comme un coup de vent. Malheureusement, elle ne vient pas assez souvent à Québec et j'ai eu le très grand plaisir d'attraper juste avant qu'elle prenne un avion pour Paris, Véronique Sanson. C'était un alliage, j'étais toute seule et j'avais peur. J'avais besoin d'amour en moi, je voulais séduire cet homme-là. J'avais besoin d'un homme à moi, tout me semblait de bonne augure pour repartir à l'aventure. La lune était haute. J'en admirais de l'argent et il faisait partie des leurs. Ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Je lui ai caressé les mains. Elles étaient douces comme du satin. Et dans une marée de brouillard, j'ai eu besoin de son regard qui était doux. Et c'est soudain que mon désir. Véronique Sanson, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Moi, le venin, ça marche bien? Moi, le venin, ça marche bien, oui. Par chance, je croise les doigts, je touche du bois. Quand on vous voit, on a de la difficulté à imaginer un titre « Moi, le venin ». Êtes-vous venimeuse? Non, non, je ne suis pas venimeuse du tout. C'était simplement parce que je crois que le contenu de ce disque-là était un petit peu plus vindicatif que les précédents. Et puis, je trouvais que ça avait une petite connotation mystérieuse, comme ça, qui me plaît. Je trouvais que l'image était belle. L'image? Oui. Très important, l'image, pour vous? Oui, l'image des mots, oui. Quand on a un titre dans un disque qui est quasiment censuré, là, vous allez me voir venir avec mes gros sabots, c'est-à-dire, je pense particulièrement à la chanson « Allah ». Oui. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, quelque part, de composer, de créer, et puis tout d'un coup, de voir que pour certaines raisons qui sont quand même... disons pas nécessairement du domaine de la création, de se voir retirer des ondes ou de se voir imposer un silence? Bon, c'est pas vraiment le cas. Ça a été le cas sur Paris. C'est-à-dire qu'il y a simplement quelques grandes surfaces qui ont retiré mon disque de la vente, sans avoir reçu de menaces naturellement. Mais tous les autres disquaires de Paris et surtout en province, personne n'a retiré mon disque. Par contre, le clip a été retiré de la télévision et puis la chanson passait plus beaucoup à la radio pendant un temps. Et puis après, bon, le temps fait oublier les choses et je crois que tout est revenu dans l'ordre. Parce que si on s'attarde un peu à écouter attentivement les paroles, disons qu'on pourrait facilement remplacer Allah par Dieu. Mais absolument. Ou... absolument. Moi, j'ai fait une autre version de cette chanson avant, qui est sortie en même temps que celle qui est sur ce disque-là, et où il y avait Allah et aussi Dieu. Je crois que cette chanson n'est absolument pas insultante, elle n'est absolument pas méprisante pour la religion islamique. Je crois que si j'avais vécu au temps de l'Inquisition, j'aurais écrit la même chose sur Dieu. Pour l'amour d'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle. Elle ne craignait ni Dieu, ni personne. Tout l'été, ils se sont vraiment préparés. Tout l'été, ont beaucoup voyagé. Elle était là debout, sous le regard flou de son homme. Et dans sa robe rose, elle avait mis des choses qui détonnent. Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Non, ah, à quoi te sert d'avoir un nom? Pourquoi ce feu? Elle a donné sa vie pour ta cause. La mort est sur le sable, te sens-tu mutilé dans ton âme? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? D'autre part, quand on écoute votre style musical, on a toujours cette présence du piano. Est-ce que vous avez une formation classique en piano? Ah oui, j'ai une formation tout à fait classique, oui. Et qu'est-ce qui vous a fait venir à des rythmes, mettons, un peu plus contemporains? Oh, bah, c'est l'environnement musical de l'époque. C'était quand les Beatles sont arrivés, quand j'écoutais beaucoup Ray Charles, j'écoutais beaucoup Sam & Dave... tous les Kings, enfin je veux dire tous les groupes de l'époque qui étaient vraiment formidables, mais ceux vraiment qui m'ont donné envie d'écrire des chansons, parce qu'à ce moment-là, je jouais, quand j'étais petite, je jouais beaucoup de jazz, mais je ne composais pas de chansons structurées. Et j'ai eu envie vraiment d'écrire des chansons. Certaines anthologies de la chanson française vous considèrent comme étant la première chanteuse française, l'auteur, compositeur, interprète, qui est collée un peu à la réalité des années 70, à la réalité un peu plus rock, évidemment, de la musique à cette époque-là. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me fait pas grand-chose, parce que je crois que moi, j'évolue avec mon temps. Que je sois considérée comme la auteur, compositeur, interprète, c'est normal, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres filles qui soient auteur, compositeur, interprète. Donc, il y a des filles qui font de la musique, il y a des filles qui font des paroles, mais les deux, c'est plus rare. Et les années 70, c'est normal, parce que j'ai fait mes premiers albums dans les années 70. Mais ce qui n'empêche pas les gens, en tout cas en France, d'évoluer. Quand je regarde le public qui vient me voir, ils sont toujours de 15 à 35 ans, par exemple. C'est toujours la même génération qui s'intéresse à... Absolument. Je veux dire, il y a un renouvellement dans le public qui est d'abord très rassurant, très gratifiant. Et en plus, je ne sais pas si les gens qui venaient me voir en 72 reviennent me voir, par exemple. Donc ça, c'est un constant, c'est un roulement, si vous voulez. Vous avez connu une période nord-américaine quand même relativement longue. Ah oui, j'avais 11 ans. Est-ce que ça a beaucoup influencé votre façon de travailler, votre musique, votre façon de composer également? La façon de composer, pas vraiment, mais ça a beaucoup influencé mon approche de la musique. Parce que nous, en France, à l'époque, on était très mal équipés d'abord, et puis on n'avait pas... les musiciens à l'époque n'avaient pas vraiment le feu sacré, c'est-à-dire que c'était pas un bonheur vraiment pour eux de faire de la musique, c'était plutôt un métier plutôt qu'un état de grâce. Alors, quand je suis partie aux États-Unis et que j'ai vu non seulement la manière dont les musiciens américains, en plus ceux que je connaissais, c'était vraiment une élite formidable, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris. Et puis, non seulement la manière de réaliser des disques, mais aussi la manière de faire de la scène, d'approcher la scène et d'approcher toutes les facettes qui constituent ce milieu. Est-ce que vous avez connu une carrière équivalente aux États-Unis? Est-ce que vous avez chanté en anglais beaucoup? Non, non, j'ai pas du tout chanté en anglais. Et on m'avait proposé, d'ailleurs, c'est marrant, de faire un disque aux États-Unis. Et alors, j'ai dit oui, bon, d'accord. Mais j'étais pas très chaude parce que ça m'amusait pas beaucoup. Et... on m'a dit, mais il faut que tu écoutes la radio toute la journée pour t'imprégner du marché américain. Et d'ailleurs, on va te donner un parolier, on va te donner un producteur. Et là, je n'avais pas envie, parce que je n'avais pas envie d'être une des 70 000 filles qui chantent. Je pensais que c'était pas, s'ils voulaient pas ma musique, c'était pas intéressant pour moi. Et je le dis complètement sans prétention, mais c'était, pour moi, c'était un peu insultant de me dire, on va te faire tes paroles, on va te faire ta musique, on va te, voilà, puis toi, tu viens, tu chantes. Devenir une machine, en voilà, quelque sorte, à interpréter. Exactement. Donc, j'ai abandonné ce projet, mais c'était pas un rêve pour moi d'enregistrer aux États-Unis. Vous aimez votre indépendance, finalement, en termes de création? Non, et puis en plus, j'aurais jamais eu de vie privée. J'aurais été sur la route tout le temps, parce qu'en France, bon, entre la naissance d'un disque et la mort d'un disque, il y a quand même un an et demi de travail intensif. Et j'aurais été obligée de faire exactement la même chose aux États-Unis. Donc j'aurais été sur la route sans arrêt. Et j'aurais pas pu vivre ma vie. Et c'est important pour vous, justement, d'avoir des pauses? Bien sûr, c'est important, parce que d'abord, ça me laisse le temps de vivre pour écrire et pour avoir le recul d'écrire les choses que j'observe et que je vis. Ça nous rallume nos oreilles. dans l'éphémère. Je m'enroule dans l'univers. Je crois que j'ai de la chance d'être toujours vivante. Qu'est-ce qui vous inspire le plus quand vous écrivez? Je sais pas, ça je peux pas vous dire parce que c'est sur le moment. Est-ce que c'est vraiment l'actualité? C'est l'actualité du moment, qu'elle soit, que ce soit le soleil dépend. Qui se lève. Oui, que ce soit ça, que ce soit juste un sentiment de très fugitif de 30 secondes ou alors un fait d'actualité très ponctuelle. C'est ça, mais ça c'est vraiment sur le moment. Quand je décide de composer un disque, je ne sais pas du tout sur quoi je vais écrire. Et ça, ça vient vers la fin. Vous avez eu un contact avec le public québécois. Oui. Est-ce que vous avez constaté des différences entre le public québécois et le public français? Quand je suis venue en 1974 ici, j'avais fait une tournée avec Claude Dubois, j'avais constaté une énorme différence parce que les gens en France à l'époque étaient très très coincés. C'est-à-dire que personne n'osait se lever, personne n'osait se... C'était très gentil et bon, bien élevé, quoi. Alors qu'ici, moi, quand je venais, c'était vraiment un plaisir parce que les gens vous répondaient. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'osmose entre nous sur scène et les gens dans le public qui vous renvoyaient de l'énergie et nous, on leur en renvoyait. Et puis, petit à petit, en France, ça a beaucoup changé assez vite. Et maintenant, c'est vraiment la même chose. Mais j'ai un souvenir du Québec quand je suis venue, qui était fabuleux. Moi, j'avais plus du tout envie de jouer en France. On parlait tout à l'heure de renouvellement du public qui est toujours entre 15 et 35 ans. Ouais. Est-ce que vous constatez quand même des différences dans le comportement de ces gens? Est-ce que les 15-35 ans 60, dans les années 70 ont les mêmes réactions face à Véronique Sanson que les gens actuellement de la même génération? Je sais pas, moi, ce que je vois et ce que je constate, parce que je les vois pas, en plus, je dois avouer que je suis myope comme une taupe, et que sur scène, on fait pas du tout la différence entre les gens de 15 ans et les gens de 35 ans. Donc, je sais ce qui arrive, c'est vraiment une grosse, grosse réaction dans le public. Donc, je sais pas si c'est les gens de 15 ans ou les gens de 35 ans. Non, ce que je voulais dire, c'est que simplement, c'est la réaction de ce groupe d'âge. Est-ce qu'elle est la même actuellement qu'elle l'était il y a 10 ou 15 ans. Elle est plus affirmée. Ah oui, elle est beaucoup plus affirmée. À quoi est-ce que vous attribuez ça? Mais je ne sais pas, peut-être qu'on donne des... Je crois que les spectacles changent aussi. On ne peut pas donner le même spectacle il y a 15 ans. Moi, je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas... certaines lumières n'existaient pas. Il y avait un son qui était beaucoup moins bon parce que la technologie n'était pas encore très, très, très avancée. Et donc, je crois que maintenant, comme on peut affiner et on peut faire que le son soit très pointu et très beau, au lieu de balancer du son dans la figure des gens, maintenant, on peut vraiment travailler sur la prise de son sur scène et on peut surtout donner un spectacle de lumière qui est beaucoup plus beau que ce que ça pouvait être avant. Alors, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que je suis pas pareil non plus. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui font que on devient pas plus professionnel, mais beaucoup plus assuré. Laissez-nous vivre. connais bien. Les filles qui vont autour des musiciens. Les gens de la nuit qui sont toujours là quand il faut. Ils vous appellent avec des idées de bravo. Sont les silences. Est-ce que vous demeurez essentiellement une personne de spectacle qui aime travailler avec le public ou alors est-ce que vous équilibrez les deux, travail de studio pour imprimer sur vinyle ou... Moi, je suis essentiellement de cœur quelqu'un qui est de scène. Je suis vraiment quelqu'un de... c'est ça ce que j'aime, en fait. J'aime beaucoup moins faire des disques. Et parce que c'est fastidieux, parce que c'est... Il faut attendre et attendre. Et puis, quand on a fini l'album, il faut attendre un mois avant que tout se mette en place. Et on est, moi, je suis très, très impatiente. Donc, j'adore faire de la scène parce que non seulement on a le contact avec les gens, et que aussi, on sait tout de suite. On sait 1, 2, 3, 4... Et on commence à jouer. Alors qu'en studio, c'est pas du tout ça. Ce qui est assez extraordinaire, c'est l'énergie que vous dégagez sur scène. J'ai eu l'occasion de vous voir en 86 au Festival d'été. Vous allez la chercher où, cette énergie? Est-ce que c'est uniquement une osmose avec le public ou dès que ça va chercher ses racines ailleurs? Non, je crois que c'est important pour moi de faire de la scène. Je suis ravie, je trouve que c'est la plus grande récompense d'avoir la chance de pouvoir aller chanter ces chansons devant des gens et qu'ils viennent en plus les écouter. Moi, j'adore ça. Et puis aussi, bon, quand on arrive sur scène et qu'il y a une espèce d'accueil formidable, ça vous donne de l'énergie. Et moi, j'adore faire de la scène. Je suis si je pouvais faire que ça, je serais ravie. Calmer ma flamme, y a quelque chose en moi, sans foi ni loi, qui m'épouvante parfois. De la chanson française actuellement? Oh, pas grand-chose. Est-ce que vous en écoutez? Bah oui, les gens n'écoutent pas chez moi. Enfin, j'écoute beaucoup la radio dans ma voiture et puis bon, à la maison quelquefois. Mais je trouve qu'il y a des choses, il y a des choses bien, mais enfin, dans l'ensemble, je trouve que ni dans la musique française, ni dans la musique anglo-saxonne, il y a vraiment des... À part un ou deux ou trois, mais je veux dire, il n'y a pas cette espèce de propension à la mélodie et à la richesse de l'harmonie comme il y avait dans les années 70. Alors, j'ai pas du tout envie de faire un ancien combattant ni rien, mais je constate ça. Par contre, il y a des choses que j'adore naturellement, mais je trouve que proportionnellement, il y a moins de groupes intéressants que dans les années 70, où là, vraiment, il y avait des groupes super et qui faisaient des choses formidables. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène qu'on peut appeler un peu ethno-beat, c'est-à-dire des gens, des Occidentaux, qui vont beaucoup s'inspirer d'air ou de musique africaine, asiatique, proche-orientale? Mais je trouve que c'est très bien, parce que c'est... Moi, je suis tout à fait pour la mixion des musiques. Je crois qu'il ne faut jamais être sectaire en musique. Et je crois que toutes les musiques ont quelque chose à apporter. Et de servir, par exemple, des musiques africaines, c'est merveilleux, parce que quand même, ça a donné... Les Américains, ça a donné naissance au blues. Donc, c'est toujours positif. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont du talent, et puis d'autres gens qui n'ont pas de talent. Alors, il y a des trucs bien, puis il y a des trucs moins bien. Mais sur le principe, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que vous, un jour, vous allez peut-être travailler avec des airs venus d'ailleurs? Peut-être, si je me trouve. Je crois que ça vient de concours de circonstances. Et puis, on a... peut-être que je le ferai, effectivement. Oui, si délicat dans sa tendresse, si raffiné dans ses caresses, j'ai tenu dans mes bras quand il avait besoin de moi. Je l'ai quitté pour d'autres mains, pour des briseurs de destin et des empêcheurs d'exister. Bien fait pour moi, si vous saviez comme je l'aimais, plus qu'aucun autre je l'admirais. Depuis dans un brouillard, je ne sais plus où je vais. Et je me rapetis le petit pas, et je boule le revoir pour apaiser mon désespoir. Je voudrais fuir vers d'autres nuits, et je chantais seulement pour lui nos souvenirs qui nous ressemblent et qui nous hantent. D'un amour à Est-ce que vous travaillez à une autre production actuellement? Actuellement, non. Mais enfin, je suis en train de préparer un spectacle avec un orchestre symphonique. Oh. Et d'ailleurs, on va venir au Festival de la Naudière au mois d'août. Et je vais jouer avec un orchestre symphonique. Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que c'est uniquement acoustique. Et je pense que je partagerai la scène avec Claude Dubois ce soir-là, ce qui me rappellera beaucoup de souvenirs, parce que j'ai fait ma première tournée au Québec avec lui. Mais ça, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est totalement revoir tous les arrangements des chansons, et puis réécrire aussi des partitions, par exemple, pour des hautbois, pour des harpes, et ça m'intéresse. Ce travail sur matière brute. Absolument. Est-ce que vous allez venir à Québec? Je ne sais pas. En tout cas, on va probablement venir faire une tournée au Québec. Et donc, on passera par Québec au mois de février. Au mois de février 90. Oui. Voilà. Et pour l'instant, bien, il y a moi le venin. Ben oui. Véronique Sanson, merci beaucoup. Mais merci à vous. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas